messieurs, dames. Avec un pain comme ça un peu cuit, par exemple celui-là, voilà, et puis une baguette aux céréales. Des choses comme ça là. Ouais, c'est des choses comme ça là, voilà. Ou celle-là, elle est un peu moins, plutôt celle-là. Voilà, comme ça. Très bien. J'ai pas 2 centimes. Merci. Mesdames.